Dieu, comme cette nuit est lente à se dissiper, comme le jour tarde à reparaître, quel ennui d'être toute seule dans les ténèbres. Ah, voici le jour, et je ne suis plus seule enfin. Ma fidèle amie est de retour. Bonjour! Tu viens pour que je t'enseigne ce que tu dois chanter et danser demain à ma noce avec Owen, n'est-ce pas? Allons vite, prends ta leçon. Hâte-toi d'apprendre dans ces chansons. Porque si méchante, méchante, méchante, c'est moi qui l'en fous.